Je me réveille la nuit, encore une insomnie. Ce matin, mon horoscope me dit de reprendre la clope. Je déprime quand je me lève, plus je m'éloigne de tes rêves. Alors je prends un stylo, sur fond jaune, je laisse un mot. Bonne journée mon amour, gros bisous, je t'embrasse. Je pense à toi toujours, sans toi mon cœur se lasse. Je les poste le matin, je les trouve quand je reviens. Je les laisse quand je pars, tu m'en reparles le soir. Post-it, read it, garde-le avec toi. Post-it, take it, un petit mot et puis s'en va. Un billet d'aussi dur à décoller du mur ou à laisser dans le noir avant de partir à la gare. Pour que mes pensées ne s'envolent, je les note puis je les colle sur un post-it égaré à côté de ton bol de café. Post-it, read it, garde-le avec toi. Post-it, take it, un petit mot et puis s'en va. Post-it, read it, garde-le avec toi. Post-it, take it, un petit mot et puis s'en va. Un petit mot et puis s'en va. Un petit mot et puis s'en va. Un petit mot et je m'en vais. Un petit mot et je m'en vais. Un petit mot et je m'en vais. Un petit mot et je m'en vais.